Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant des Castors de Dolbeau. C'est maintenant officiel, ils n'évolueront pas dans le Midget 2B cette année. Après plusieurs tentatives de sauver la concession en Midget 2B, ben, hier soir, on a fallu se mettre à l'évidence que ce sera une équipe de Midget A et une autre de Midget B. Les joueurs de Saint-Félicien qui ont été retranchés par le Marcos Pop de Saint-Félicien n'étaient pas intéressés finalement à venir jouer à Dolbeau-Mistassini. On va tenter au cours des prochaines journées de parler avec le président du hockey mineur de Dolbeau-Mistassini, Danny Lavoie. Maintenant, le club de golf de Chibougamau a connu une année très difficile au niveau budgétaire. On estime que les opérations golf vont terminer l'année avec un déficit de plus de 30 000 $. Évidemment, c'est en raison du mauvais temps. Qu'explique Michel Lallemand? Oui, ça va être un bilan négatif. Notre saison financière se terminant le 31 décembre. Okay. On a quand même d'autres revenus secondaires au golf à entrer. Mais pour la section golf comme telle, une saison très difficile. Okay. Beaucoup de mauvaises températures, de la pluie, des températures froides, souvent autour de 13 à 15 degrés. Ouais. Donc, pas des conditions idéales pour la pratique du golf. Et ça va se ressentir du côté des revenus. Ouais, effectivement. Une perte de combien, à peu près? Et dans un deuxième temps, il faut s'attendre à des mesures pour du côté du club de golf de Chibougamau pour redresser la situation. Ben, il y a différentes avenues qu'on devra regarder. Okay. C'est bien évident que au niveau des revenus, notre taux d'augmentation de nos cartes de membres, on est quand même assez limité parce qu'on a un petit bassin, puis il faut préserver notre noyau de à peu près 150 membres. Okay. Au niveau des dépenses, c'est la même chose. C'est un club de golf. Il n'y a pas beaucoup de postes budgétaires. Donc, il va facilement falloir prévoir, là, comme dans beaucoup d'autres clubs, principalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être un tournoi bénéfice ou une levée de fonds extérieure au club. Et tous les points négatifs, il y a quand même eu des points positifs au club de golf de Chibougamau. Explique Michel Lallemand. Ouais. C'est sûr que Pierre-Alexandre, c'est un modèle pour l'ensemble de nos membres, dont notre jeunesse. Mm. Et au niveau de la jeunesse, on s'en vient avec une très belle relève. Ouais. On a 4 ou 5 jeunes qui devraient figurer très, très avantageusement au niveau régional l'année prochaine. On a plusieurs de nos membres qui ont connu une bonne saison. Mm. Dernier championnat régional, la victoire de Nelson Miamiskoum en classe A. On a eu aussi des bonnes performances au niveau du terrain. Mm. Donc, non, ça s'annonce encore bien au niveau du volet golf à Chibougamau. Les Jeux du Québec seront présentés à Alma du 24 février au 4 mars prochain. On sait qu'on demande 3000 bénévoles pour assurer la pérennité des Jeux du Québec. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com hier, le directeur général des ressources humaines aux Jeux du Québec, Michel Simard, a expliqué que ce défi semble gros, mais c'est quand même très réalisable. Aussi limité à l'espace de 4 mois. Ouais. En fait, l'organisation des Jeux du Québec est en place depuis quand même tout près d'un an. Okay. Mais auparavant, il y avait eu une grande campagne de mobilisation à l'automne 2014 lors de l'inscription de la ville d'Alma pour les Jeux du Québec. Il y avait eu tout près de 3000 personnes qui avaient donné leur intention de devenir bénévoles si Alma obtenait la finale. Et effectivement, ça a été un élément déterminant dans la décision de Sport Québec d'accorder la finale à Ville d'Alma, considérant la mobilisation importante. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, ces gens-là n'ont pas été mis de côté. Ces gens-là ont été accompagnés depuis ce temps-là. Il y a eu, en fait... Et dans un deuxième temps, Michel Simard a expliqué qu'ils ont quand même de bonnes assises puisque les Jeux du Québec ont été présentés en 1999 et il y a quand même un bon bassin de bénévoles qui pourraient être de retour. Et ça, cette expertise-là qu'on a dans le milieu ici à Matois, ben, en fait, nous a permis d'abord de mettre la base de notre organisation. Okay. Et il faut dire qu'il y a tout près de 250 personnes qui sont à l'œuvre actuellement dans différents secteurs de l'organisation pour mettre en place cette structure-là. On les appelle nos bénévoles permanents, ouais. Les gens qui sont impliqués depuis, en fait, le début de l'hiver, depuis le mois de janvier dernier, à mettre en place ces structures pour recevoir cette organisation ou ce groupe de bénévoles. En fait, nous, les employés comme tels, on est au service d'une grande quantité de bénévoles pour leur permettre pour nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on a visés. Okay. Donc, effectivement, là, Alma a développé une belle expertise au niveau organisationnel et ça va se maintenir. Du côté maintenant de l'organisation des Jeux du Québec qui sont présentés à la fin février, Michel Simard a mentionné que ça va très très bien. La recherche de commanditaires, la construction des sites, tout va bien de ce côté-là. D'abord, au niveau des sites, il y a un site principal qui est en construction, ouais. En fait, qui deviendra le leg important des Jeux du Québec, le site, le centre multisport. Ouais. Celui-ci, à ce qu'on nous dit, devrait être complété à la fin du mois de décembre, okay. Donc à 2 mois des Jeux. Normalement, là, si tout se déroule comme prévu, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Au niveau des commanditaires, il y avait déjà un grand travail qui avait été réalisé. Et ça semble aussi suivre son cours de ce côté-là. Donc, dans l'ordre des choses, le budget d'opération qui est autour de 5,8 millions devrait être respecté tant au niveau des revenus que... Non, c'est bon ça. Donc, ça s'annonce bien. Actuellement, notre équipe compte 42 personnes. Il y a encore quelques personnes, quelques emplois, en fait, 4 ou 5 personnes au maximum qui devraient compléter l'équipe d'ici quelques semaines et on devrait être complet pour se rendre justement au début de la finale le 24 février. Ouais. Donc, on a une super, en fait, je pourrais vous dire, une superbe belle équipe composée de beaucoup de jeunes et qui sont dirigés par des gens expérimentés. Et c'était l'Assemblée générale du club de curling de Saint-Félicien. Ça s'est déroulé lundi soir. Plusieurs petites nouvelles à suite à cette réunion-là. D'abord, à noter que ce soir, c'est le 5 à 7 d'ouverture. Donc, ça va se dérouler au club de curling. Le début de la Ligue des filles aura lieu le 3 octobre. Le début des ligues locales, le 4 octobre. Et le nouveau CA maintenant, c'est le président est Paulin Martel. Le vice-président Michel Boutin, la trésorière Élise Gagné, la secrétaire Joanne Perron et les directeurs du club sont Gilles Boutin, Marcel Paquette, Filiane Côté, Alain Paquette et Euclier D.R., de même que André Solange Bergeron. Et on rappelle évidemment la grosse nouvelle, hein, c'est que les Castors de Dolbeau Midget 2B n'évolueront pas dans le Midget cette année, donc manque de joueurs, c'est vraiment, vraiment décevant comme conclusion, mais il a fallu se rendre à l'évidence qu'il y aura une équipe de Midget A et de Midget B cette année dans cette ligue-là. Les joueurs de Saint-Félicien n'ont pas voulu se présenter avec les Castors de Dolbeau. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Pierre Trudel. On fait le tour un peu de ce qui a trait le monde du sport. Également, on fait le bilan du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand. Et le directeur des ressources humaines aux Jeux du Québec, Michel Simard, vient nous parler de la recherche des bénévoles qui va bon train à Alma en vue des Jeux du Québec qui seront présentés du 24 février au 4 mars prochain. Sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.